Bismillahirrahmanirrahim. Vu que c'est bientôt Ramadan, il reste une dizaine de jours, enfin, on va commencer à lire des fatwas concernant le mois de Ramadan. As-Siyam, ou Tarawih, ou la nuit du destin, ou l'Eid. Bi-Idnillah Azza wa Jal. On a l'habitude de lire des fatwas dans des sujets divers. Et ces jours-ci, on se concentrera plus sur le mois de Ramadan et tout ce qui est lié à hadha al-shahr al-mubarak. Et par rapport à Ramadan, une question, elle revient souvent, khasatan, au début du mois, avant le mois même. Et cette question, c'est par rapport à la divergence qu'il y a entre les musulmans au début du mois. Où certains pays, ils jeûnent tel jour, d'autres, ils jeûnent un jour avant, ils jeûnent un jour après. Enfin, beaucoup de musulmans, ils se posent la question. Avec qui jeûner? Est-ce que je suis mon pays? Est-ce que je suis le premier pays qui a vu Al-Hilal, qui a vu le croissant de lune? Est-ce qu'on jeûne avec Mecca? Parce que c'est la qibla des musulmans. Là, Cheikh, avant de lire Kalam Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il a répondu à cette question. Wa hakadan Kalam Nafis de l'imam Al-Albani, rahimahumullahu jami'an. La Cheikh an al-qawl al-sahih. كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تصوم لرؤية الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné la communauté de jeûner quand le croissant de lune de Ramadan il apparaît. فقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Jeûnez quand vous voyez le croissant de lune et rompez le jeûne quand vous voyez le croissant de lune. Le premier croissant de lune en Ramadan et le deuxième celui de Shawwal. Wa hakadha des autres hadith, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, as-sawm yawma tasawmoun wal-fitra yawma tuftiroun wal-adha yawma tudahoun. Kadhalika nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé anna le jeûne c'est quand il commence quand les gens ils jeûnent et al-fitr quand les gens ils ont rompu le jeûne et al-eid kadhalik. Donc par rapport à ces deux hadiths, certains savants, ben beaucoup de savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit on doit suivre le premier pays. D'autres, ils ont dit chaque pays, il a sa ru'ya. Wa Cheikh Ibn Baz, il a fait une remarque importante, rahimahullah. Les savants, ils ont divergé en, on peut dire, en deux avis. Certains, ils ont dit le premier qui voit la lune, le croissant de lune, le premier pays, tous les pays musulmans, ils doivent suivre. Matalan. Un pays parmi les pays de musulmans, ils ont vu le croissant de lune mardi. Tout le monde doit jeûner mardi. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, ils se sont basés sur Tilaf al-Matala. Ils ont dit chaque pays, pas chaque pays, plutôt chaque région, il y en a le pays, ils ont le même matla. Ils ont un matla. Mathalan, l'extrême ouest et l'extrême est, ils n'ont pas le même matla. Et la lune, elle ne se lève pas au même moment dans toutes les régions. فلهذا قال الشيخ ابن باز اما المطالع فلا شك في اختلافها هذا يا وكان دوت لونانيميتي شيخ الاسلام اي دوتر ils ont apporté l'unanimité que la lune elle ne se lève pas au même moment dans toutes les contrées dans tous les pays هذا on est tous clair لكن الخلاف la divergence est-ce que on prend en compte هذا ام لا لان بعض العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله قال ان le premier pays qui a vu le croissant de lune on doit tous suivre en se basant sur la parole du prophète, l'ordre, il est pour qui? Il est pour tous les croyants. Donc, si un pays voit, on doit tous suivre. C'est le qawl as-sahih. Ça, c'est l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'lam. Lakin, ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, vu qu'on vit à une époque où cet avis, il n'est pas mis en application. La preuve, c'est que chaque année, il y a des divergences. Et les pays, certains ils jeûnent tel jour et certains ils jeûnent un jour après, ou un jour avant. Enfin, ils ont demandé à Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, qu'est-ce qu'on doit faire? قال, فإذا اعتمد أهل البلد أو حكومة البلد على علمائها ومحكمتها ورأت المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير اليوم الذي صامت المملكة وغير المملكة فالعمدة على ما رأته المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك. Pourtant, rappelez-vous, au début de la fatwa, on a lu un kalam de Cheikh Ibn Baz, il est d'avis que si un pays y voit le croissant de lune, tout le monde doit suivre, que ce soit l'Arabie Saoudite ou autre. Donc le premier pays, on doit tous suivre. Lakin, vu qu'il y a cette divergence, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans cette fatwa, il a cité, rahimahullah, Anna, pour éviter la division et pour éviter encore plus de divergences, jeûne avec ton pays. Si ton pays, matalan, ils ont choisi, ils ont fait des efforts pour regarder le croissant de lune, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas visionné, et ils retardent le jeûne d'un jour, jeûne avec ton pays pour éviter la division. Thumma, As-Sa'il qal, et celui qui a interrogé Cheikh Ibn Baz, qal, idhan, et pour confirmer, idhan, ala kulli muslim, an yuwafiq baladahu fi s-soum wal iftar. Donc, celui qui a questionné Cheikh Ibn Baz, il a insisté, il m'a dit donc, ya Cheikh, chacun de nous, on doit jeûner avec notre pays. Ou hakada, on doit rompre le jeûne avec notre pays. Et pour le Eid, après Ramadan. Qal al-Cheikh Ibn Baz, na'am, hatta la yatanaza'u ala al-hukuma fi al-balad, an ta'tani bil-amr. Hada, c'est un conseil. Donc, pour éviter la division, on jeûne tous avec notre pays. Et Kadhalik, il a conseillé chaque pays de faire des efforts pour bien rechercher, pour bien voir le croissant de lune au départ. Et Kadhalik, à la fin du mois de Ramadan. Et pour commencer le jeûne et pour terminer le jeûne. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Kadhalik, il a le même avis que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et c'est Al-Qawlu Sahih. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, soumou li ru'yati wa aftiru li ru'yati. On doit tout jeûner à la vision de la lune. Donc, si un pays, il le voit, tous les croyants doivent le suivre. Pourquoi? Parce qu'on n'est qu'une communauté. Et bien, ce qawl, il serait appliqué, on n'aurait pas toutes ces divergences. Lakin, qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Vu qu'il y a cette divergence, on doit savoir comment se comporter. Et ici, on conseille nos frères de ne pas beaucoup parler dans ce sujet comme certains y font. Pourquoi il y a des divergences? Pourquoi on est toujours divisé? Cette divergence, elle est entre les savants de l'islam et elle date de très très longtemps. Donc c'est pas une divergence qui fait du mal. Si une partie elle jeûne lundi et l'autre mardi, alhamdoulilah. Un nas qui ne se préoccupe pas de la science, ils ont fait de ce sujet qu'un nas c'est la cause de tous les maux de la Ummah. Alors que c'est une divergence, comme beaucoup d'autres points où la Ummah elle diverge. C'est pas ça le problème. Le problème c'est les tombes qui sont adorées. Le problème c'est toutes les innovations qui sont propagées. Le problème, c'est les égarés qui appellent al-bid'a, leylan ou nahara. Le problème, c'est que certains musulmans, ils sont attirés par les ennemis de l'islam. Et ils essayent de leur ressembler. Le problème, c'est le manque d'effort dans la science. Amma, ce genre de divergence, alhamdoulilah, elle date de très longtemps, elle est présente aujourd'hui. Chacun y choisit l'avis qui lui semble basé sur un délit, alhamdoulilah. Falihada, al-imam al-albani, rahimahullah, donc il a le même avis. لكن قال وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك tant que les pays musulmans ils n'ont pas choisi cet avis et le fait de suivre le premier qui a vu le croissant de lune قال فإني أرى على الشعب كل دولة أن يصوم مع دولته أي شيخ الألباني كذلك tant que cet avis n'est pas appliqué il conseille chacun de jeûner avec son pays قال ولا ينقسم على نفسه pourquoi. Parce que si chacun ne jeûne pas avec son pays, on aura la divergence entre les pays et on aura la divergence au sein d'un même pays. Et là, c'est pas taillé. Tu peux trouver dans une même famille, le père il jeûne aujourd'hui, le fils il a jeûné un jour avant, ou hakada. Pour moi, ça fait des tensions, il a akhir. Hada la la yanbaghi. Khassatan, si le gouverneur il a choisi tel qawl, fa afdal, c'est de respecter cet avis. Et d'écouter هذه النصيحة de l'imam الألباني رحمه الله قال فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. Ça, ça nous montre que les savants, ils faisaient tout pour éradiquer les divergences au sein de la Ummah. فلهذا الإمام ابن باز رحمه الله والإمام الألباني رحمه الله قالوا بهذا. Donc on conseille à nos frères d'étudier ce genre de sujet bi'ilm, en revenant simplement de la sunna, en se basant sur des preuves du Coran et de la sunna, et ne pas polémiquer avec les ignorants. Il y en a à chaque début de Ramadan, c'est la même chose. Vous allez voir encore cette année, Inch'Allah ou Ta'ala, un jour ou deux jours avant Ramadan, quand ça va commencer, les avis, tel pays, ils ont dit qu'ils allaient jeûner tel jour, tel pays, et بعض الجهال يتكلمون بغير علم. نحن ولله الحمد. On se base sur les textes du Coran et de la Sunna. On revient à nos savants. Et l'essentiel, c'est de préparer هذا الصيام بعلم. أما بعضهم, le premier jour, ils polémiquent sur هذا. Ils critiquent les gouverneurs, ils critiquent les savants, ils critiquent tout le monde. Pourquoi toutes ces divergences? Thumma, quand cette divergence elle passe le premier jour, deuxième jour, et des péchés du matin au soir. Ah là, c'est pas tayyib. Fa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq lil jami'. Amma les références, fa la fatwa de Cheikh Ibn Baz, elle est sur son site, et la fatwa de l'imam al-Albani, rahimahullah, ou plutôt son kalam, min tamam al-minna. نكتفي بهذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.